chérie en excès, c'est haïr en excès. Ah, love, vraiment love ango. Plus makasi, kole kaliwa, na dousola wapinga. Nasi na lembi kosi ferté, pour passer le kimingi, na pesi nyoso, na maboko nzambe. La colère est une foute folie, na bible balo paraboye. Pardon ton prochain, et tu seras pardonné. Oh, bayanga, yesali sali siote, atala sala ki mabe mingi. Papa, dans la tête rétroviseur, le passé en anayo. Y'a son Willy le charismatique, amour est à la campo batte, kasi kui sa fa bato, pakao, atos a metro ben babia. Loïc Tramoutina, Marie Espérance, Yann Mambeka de l'Ormo, Tico Elonda, Fatou, Milton Kilanda Moko. La colère est une foute folie, la Bible est maloba à boye. Limisa moninga, yopoko limisa ma. Koboyange zali solicienti, adana sala ki mabe mingi. Tata rétroviseur, le passant na yo. L'amour est zali microbeté, mes déceptions d'amour est pesaka. Infection, maladie incurable. Augustin Zambé au saline, si nga monimi. Ah, on a fourni les bibles, on a fourni la sacro, c'est la lobby. Mariam Moleka, Pakistan lutte, Imam Moleka. Oye, pina linga kakonia na sani na nga moko. Awa sangi singa na pana sili singa abeti. Jamais moi l'obaka liaka na yemi sunite. Kasi flor préféré na yezala kami kuwa e papa. Noël ya baye, ou à Bilondri Kidje, papa na prince Londri j'ignore, na le bimbaye. C'est la ya boni wetanda ma bako Christen, bimisa moniba, na ma salaki mande. Ya zambi, awa boni wanda ya esi beli mali konga ma mwembali. Eske na kozwa, mwa chanson kompensa mbote ya lokalo, kokiste ya zambi. Mon amour, Augustin Yanzambe, Papa Emmanuel, Melia Bonio Koube, Ozotali, Bali Sioni, Boya Mosara, Maya Masoto, Sara, Papa Negri, Moïse Meto, Elja Weston, Jude Stanley Warpost, Nakomiwa, Chislin Wanzambi, Eli Fontaine, Magali Kondonga, Bijou Sinal, et Paul Ekiba Ponjo. Un moulin rouge, DJ S.O.D. Moziki 100 kilos, Michel Koulungu, Marie Jo Kibongu. Omar le géant. Chez de Kaba. Chantal Obambi, Jean-Claude Koutana, Dilka Biler et Nenga. Merline Bongo. Gandier, Caprice, Atia, Alex, Alexandra, Princia. Dani Sangati. Maître Thompson. Y'a Jean-Claude Kinaka, Okeli Business. Edmond Mopao, le pétrolier. Armel le vrai. Jamais verré comme la molaki. Toujours content dans sa voiture. Y'a des chauffeurs des marégas. Et de la Cour suprême Norbert Lenga, Arnaud Pierre Serge Molokotani, Audrey Osso. Le diable rouge de la Safra, Elie Fontaine. Chris Mamrouko de Marseille. Flavie Gaël Malonga de Paris. Grâce Basilène Baveka. Samy Quintro, mon fils Yoka. Combien Roland Patrick. Rodrigo Lala, Kilor Elena. Ezala kaka poete suta yeba bina. Ezate ton apesi pedeje da dumbote. Explique moi, sora le kaka. Pourquoi tu fais ça bonne mon barbe? Est-ce qu'on a commis par les mains? Oh mon amour, mon amour, mon amour, chave kapse. Desia malumbi, jeni mbali, fosi sengu. Babi efe nanga kuka ingolo, ndele ofuti ya mona mone de singe. Kome ver de plus, kisa kisa nona kwiti nanga, elsi akera. Nava douleur, nava kale, kapito donga, nako mi porte male. Freddy lezilka, minaka sawu, ku sacrifice de mutu tempo. Papa na versi na chance royale Arsenal papa Medina bonne Jolina salaki ya singalelo na komi ya kala osu nongo susuwe Ichuki tenge Aole manza kwa mobima omeli meli makila oma kinga na fuluwe Adashu onzwana Nasagebe yone bibero nanga Kagene misala parfait la savane Zanga bazo Toujours contre Francis Koumou dans sa voiture, Yonne.